Comment font-ils les autres jeunes pour s'en sortir, ceux qui ne sont pas chanteurs ou champions de football? Ils font les conneries qui meublent les pages des faits divers des journaux. Ils volent, ils braquent, ils se battent, ils s'ennuient, ils se flinguent. Ben, qu'est-ce que vous voulez changer? Je peux tout dire, hein. Ah bah allons-y. Ah bon, ben moi je veux changer plein de trucs. D'abord, bon, changer, mon principe de changement, ça passe par la destruction, hein, du pouvoir, de l'État, des flics, et puis de l'exploitation de l'homme par l'homme. T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, non pas un enfant de salaud, t'es juste le gosse du nutri normal, tu parles en argot dans ton vocabulaire. C'est l'inconscience du gros mot, pas prêt d'être là, mais pour toi j'ai déjà des tas de cadeaux. Pas prêt d'être ZK, mais pour toi je vais décrocher le chrono. Je te raconterai de la merde pour que tu ris car j'ai banni les sanglots. Docteur S fan zéro, dealer de bonne humeur pour marmot, je te laisse avec des crampes au maxillaire, au bas mot, je peux mettre plus minable que les singes. Dans la plus beau mot en t'apprenant qu'un mot est un mot et qu'on ne vienne pas te parler de la tolérance zéro. Pierrot, t'as pas de couleur, t'es mon petit gars, ma petite go. J'suis gaga, t'es une grande touqueuse ou un petit gros. Car l'amour que j'porte en moi servira d'armure à mon marmot. Les jours où t'as le seum, appelle donc Margot. Et quand tu bois la tasse, que c'est chaud, rassure-toi, dis-toi que c'est une famille. Chez nous, on n'aime pas l'eau. J't'apprendrai à t'exprimer, mais pas pour t'ennuyer comme les salauds. Juste sois aiglo et garde le verbe haut. Vu que t'es dans ma tête et que tu vis dans ma peau, car j'ai construit ta planète tout au fond de mon cerveau. Zéro, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Pierrot. T'es pas né dans l'angoisse, t'es pas né dans la misère. T'es pas un gosse de la poisse ni celui du commissaire. Mais t'es le fils d'un capot qui pardonne et tolère l'outrage, le blasphème et la haine qu'il génère. J'ai créé ton univers dans un coin de ma tête. Viens y passer l'hiver, tu verras, c'est la fête. Je te réserve un paradis sans la moindre prière. Viens dans ma tête, promis, sans un seul nerf de guerre. Tu auras toute mon estime sans te lever tôt. T'auras peut-être pas un centime, mais la santé, un magot qui ne s'échangera jamais. Sauf pour une clope, un McDo, mais qui ne suivra pas les nez, qui ne suit les infos. Mon gosse, mon poteau, un petit bout de moi-même. Suis pas les gens de là-haut qui au gouffre t'amènent. Tu sauras ma foi que le bonheur s'acquiert rien qu'en claquant des doigts et que les mœurs s'opèrent. Tu vivras loin des loups qui s'abreuvent de non-sens. Tu dessineras des clowns dans les taches de mon sang. Je t'apprendrai à contempler avec un beau rire et tu videras tes couches sur un thème qui t'inspire. Allez viens, je t'embarque dans ta plume, Pierrot. Quand le vent vient du large, juste les voiles, frérot. Car tu vis dans ma tête, que jeter dans la peau. J'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot.